conclure ça. Je suis pas sûr, mais je crois que je vais conclure. Je crois que je vais conclure ça. Je crois que je vais conclure. J'ai de la fièvre. La température tout à l'heure de la soirée. Je crois que je vais conclure ce soir. Pas chaud ce matin. Quand reverrai-je au pays merveilleux où ceux qui s'aiment vivent à deux. Bon, ça va les enfants? Coup de professionnel. Ah yeah! Du bordel la machine à neige. Allez, ça va! Allez! On démarre tranquille. On va voir que ça se connecte! Alors, combien la température chez vous? Alors. Ça marche. Oh, on est bien, il fait 35, hein. Y'a pas de température encore. On va monter. Ça va la Santa Family? Salut Monique, c'est qui la tienne? Salut Jean-Marie. Elle est pas chaud ce matin, hein. Pas chaud, hein. Salut Nora, comment elle va Nora? Bon, je me suis aménagé. Bon alors surtout des arrière-pensées, hein, tout est aménagé hein, bien sûr. Il n'y a pas beaucoup de nettoyage à faire. En fait c'est de la. C'est une espèce de mousse exprès qui tâche pas, qui fait rien, hein, voilà, aucun dégât. J'ai récupéré au 7, hein, j'étais la chercher la semaine dernière, là, c'est une petite machine sympa, qui fait un peu de neige. Voilà. Donc j'ai mis des serviettes par terre bien sûr pour protéger quand même, hein, c'est pas abruti. Voilà, c'est histoire qu'on se passe un petit moment ensemble sympa. Alors juste une chose. J'ai pris le téléphone du direct, donc on peut pas m'appeler, Didier, tu peux pas m'appeler sur le téléphone parce que j'avais encore un coup de téléphone avant midi, hein, un téléphone important. Donc si jamais j'ai ce coup de téléphone, je serai obligé de couper parce que c'est vraiment assez personnel. Donc si c'est avant midi, j'espère, vers midi, j'avais dit de m'appeler. Donc, normalement, ça va arriver vers midi. Si je coupe avant, bah désolé, hein, voilà. Bon, ça va, Séverine? Pas chaud ce matin, hein. Ah, tu devais être au Val d'Isère cette semaine. Ah merde. Ta-da-ta-da. Bon, allez, je vous montre ça. Hey, ça va les enfants? Ah, ça marche bien. Ah la vache. Hop, vous voyez, il n'y a plus rien, il n'y a plus de traces, il n'y a plus rien. Ça, ça reste sur rien du tout. Hein. Ça ne risque rien du tout. Bon les enfants, comment ils vont? On n'a pas les connexions pour démarrer. Donc je répète, si j'ai mon appel avant midi, je serai obligé de couper le live malheureusement. Ouais, enfin... Bah, c'était pas prévu au programme, mais on m'a dit qu'on m'appelait avant midi, donc... Voilà, hein. Là, les affaires, ce sont les affaires, hein. Hein. On peut déconner, mais il y a les affaires avec. Bon, tout le monde va bien? Et bien, on va démarrer dans une minute. Voilà, donc pas d'appel aujourd'hui, hein. J'ai pris le téléphone... C'est là. Hey, bronzé pour démarrer. Bonne spéciale Tomorrowland. Ça c'est pour réveiller les voisins. Tomorrowland, ça envoie du lourd. Pour ceux qui connaissent Tomorrowland. Eh ouais, je voulais faire un petit coup de... Salut la voisine, tu vas bien? Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je vous rappelle que j'ai pas pris de téléphone avant midi. Donc si je coupe, ne vous inquiétez pas, c'est ça sera normal. Ah, je vais prendre la priorité à cet appel. Voilà, c'était juste ça. Et là, je vais démarrer maintenant, comme ça on n'a pas de temps. Balère. Salut Martial, tu vas bien? Donc tempête de neige aujourd'hui, hein, vous avez vu, j'ai mis une petite machine. Bon, je vous fais la petite démo vite fait. Bah, regardez comment, c'est de la vraie neige. Ah mais ça tombe ce matin. Ça tombe la neige. Oh, elle est dingue. Hein. C'est chaud, hein. grâce à vous d'ailleurs. Bah depuis le début c'est chaud grâce à vous hein. Ça va les zinzins, un petit coup de la rouge, salut France 3. Ah j'adore quand France 3 sont là, ça fait mon coup de pub en même temps. Ouais je suis un ouf moi. Ah c'est ma vie hein, j'ai mis une photo avec mon pote DJ Fou là au Cap d'Agde là, à l'instant là. Ça c'est à l'époque au Cap d'Agde quand on mixait tous les deux zinzins et tout. Voilà que de bons souvenirs avec Seb que je salue au passage, salut mon Seb. Bon on démarre si vous voulez bien. Allez c'est parti, Tomorrowland. Alors attention là ça envoie du lourd Tomorrowland hein. Touchous comme dit France 3, c'est parti. Pour j'espère une heure si on m'appelle, je serai obligé de couper. On va super peu de téléphone, on démarre avec Armin. Armin Tomorrowland, une spéciale, salut la famille. Et n'hésitez pas à réagir, et encore je mettrai un petit coup de neige. En direct. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez pas bien la famille ? Les assassins. Alors la température, tempête de neige en direct de Tomorrowland. On y va les tasseurs. Oh les tasseurs, on shoote Tomorrowland. Dis que la dernière DJ fou en direct de chez Francky Orléans, Tomorrowland et la tête. Toujours en direct de Tomorrowland. Putain, ça me rappelle les débuts au Cap d'Agde. Allez, faites du bruit le Cap d'Agde. Ardoise, big up à mon pote Ardoise, les Rose Café, l'amour. Club du Cap d'Agde, on envoie là Tomorrow jusqu'à ce qu'on coupe. Allô Martin, tempête de neige. Mettez votre bonnet et envoie de la neige. Envoie la neige. Ça risque rien, vous inquiétez pas, normalement. On est pas bon là. Une cabine, Jarba. La radio fait du bruit. Merci ma voisine, je t'aime. Allez, je viens. We'll be right back. folique. Are you ready? Amnésia du Cap d'Agde, salut Stéphane, officiel DJ. Ça va le neveu? T'as vu tonton toujours là, hein? Salut Virginie, salut José, Tchoumawaland au ski. Thank you. Ça va les zinzins? Un peu de neige? Allez! Ouais! Tempête de neige! Oh, c'était lourd ça! fous la neige, aujourd'hui, regardez. Eh, elle est là, monsieur, la neige. Elle est plein derrière. Ah, c'était bon, ça. C'était bon, ça. Allez, jusqu'à moins le quart, le plaza. Mais faites du bruit! Let's go. de faire du bruit avec nous en direct dans la neige. Allez, 10 minutes ensemble. C'est spécial aujourd'hui, Tomorrowland, tempête de neige. Ça va, ça vous a plu? C'est bien la neige, hein? Ouais, ça va Sonia, salut Lumi, comment tu vas bien? Ouais, regarde, tempête de neige, c'est bon, regarde, ça peut être partout. Hein. Je me marre bien, hein? Beacon light, no more I see. avec Sof Ridio, le carton de 2000. Bon, y a un peu de nettoyage après, ça va, c'est pas un coup de serpillière, un coup de balai. N'inquiétez pas la famille. Bon, j'ai fait ça pour vous faire plaisir. Hein. Ah, on repart bien là pendant 5 minutes encore. En 2000, on vous boxe avec Extravalence Energy. J'étais numéro 1 des clubs. Et ça va vous rappeler des bons souvenirs. Forcément. Extravalence, on vient du boombox d'Orléans. C'était le carton à l'époque. Et on va se terminer là-dessus, les amis. Ouais, parce que là, il y a de la neige partout. Là. En tout cas, merci d'avoir suivi cette tempête de neige pendant 45 minutes. Demain, nouveau live. Hein. Faut vous applaudir. Non, ça va, vous êtes bien. En tout cas, merci d'avoir suivi ce beau live, ça m'a fait plaisir. Et puis, bah, rendez-vous demain à 11h, ça sera plus long demain. Là, je vais couper court parce que j'ai un appel important qui arrive. Et puis, en plus, je suis trempé, moi, je suis chaud et tout. Et puis, il y a de la neige, faut nettoyer quand maintenant. Hein. Ouais, c'est Play au live. Safri Duo, Karl. Safri. S-A-F-R-I Duo Players Alive. Voilà mon Karl. Et je te l'enverrai en Messenger le live, le lien. Merci à vous en tous les cas de m'avoir suivi là pendant presque une heure. C'était énorme, on a chaud, il y a de la neige partout, on est bien. Salut les enfants. Allez, on se quitte là-dessus. Bravo. Voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête un peu. Hein. Waouh. Bon, bah merci à vous en tous les cas. Pour ceux qui pensent que je prends des risques, non, il n'y a pas de risque. Hein, c'est de la neige. C'est même pas de la neige en fait. C'est une machine qui est faite exprès. Donc je ne risque strictement rien. Un peu de nettoyage, mais bon, j'avais préparé le coup. J'avais mis quelques serviettes de plage, des draps de plage par terre. Voilà, qui vont passer à la machine. Et puis là, un coup de serpillière. Voilà. Et puis ça va aller. Très très bien, merci Delphine, merci Fred, merci tous. Voilà, c'était une Thomas Roland, spéciale tempête de neige aujourd'hui, on a bien rigolé. Si vous avez des photos, bah, vous les envoyez. Et puis bah, je vais vous donner rendez-vous demain, hein, les amis, demain, à partir de 11h, je serai là. Je ferai un peu de rap demain, ok? Merci de votre fidélité, soyez forts, et puis allez bronzer parce qu'il fait chaud. Là, je vais me foutre à poil, et puis je vais prendre une bonne douche. En tout cas, merci à vous. Et pensez aussi aux proches, hein, si vous en connaissez qui sont faibles du côté de chez vous, et bah, allez les voir ou appelez-les, c'est important. Je vous aime. Bisous la famille. Mmh.